comment sont nés les livres de recettes culinaires. Les documents qui nous renseignent sur l'histoire de la gastronomie ont commencé à se multiplier à partir du XIIIe siècle, en lien avec la diffusion de la culture écrite. Désormais, on transcrit sur du parchemin ou du papier les règles qui se communiquaient auparavant par oral. Au XIVe siècle sont publiés les premiers livres de recettes, comme le Viandier, attribué à Guillaume Tirel, dit Taillevan, né à Pont-Audemer en 1310 et mort en 1395 à Saint-Germain-en-Laye. Il va sans dire que ces livres de recettes ne nous apprennent rien sur la nourriture des classes populaires, car ils étaient destinés aux familles nobles et bourgeoises. Néanmoins, ce sont des sources précieuses quand on étudie sur la longue durée l'histoire de l'alimentation. La multiplication de ces recueils est l'une des conséquences de l'importance que les classes privilégiées ont accordée aux banquets à l'époque médiévale. On touche ici aux enjeux sociaux de la cuisine. Donnée à l'occasion de noces, d'alliances, de victoires, de naissances ou de tout autre événement important, ces festins servaient aux classes dominantes pour affirmer leur rang, leur richesse et leur prestige. C'est à cette époque que les techniques de cuisson, rôtissage, braisage, pochage, friture, se sont diversifiées et que les plats ont été de plus en plus souvent agrémentés par des épices venues d'Orient. Un menu digne de ce nom se composait alors de plusieurs mets, que l'on appellera plus tard des services. Chacun d'entre eux comprenait un ensemble de plats séparés par ce que l'on appelait logiquement les entremets. Pour conclure ce rapide survol de la cuisine médiévale, voici une recette, extraite d'un livre publié en 1481 par un auteur strasbourgeois. C'est la recette, traduite du latin, des tortelli d'assises. Prendre la viande de porc mâle, grasse et maigre, c'est-à-dire de la ventrèche et de la cuisse. Fais-la bien bouillir et hache-la menue avec un couteau. Prends des œufs battus et mélange toutes ces choses ensemble dans une jatte avec un peu de sel, de safran et de bonnes épices. Fais-en un mélange qui ne soit pas trop mou, mais plutôt épais et mélange bien. Prends de la farine tamisée sur une table de bois. Prends de ce mélange avec les doigts ou avec une cuillère et roule-le dans la farine. De tout ce mélange, fais des formes de la longueur d'un doigt de la main. Prépare-les le soir pour le matin pour le soir, pour qu'elles se raffermissent bien. Et si tu veux faire une seule pièce avec ce mélange, fais-le sans au nez et plus mou, avec des œufs et du lait, dans un plat. Et cuis-le avec des amandes émondées, des raisins secs et des épices par-dessus. Manière de les cuire. Prends du bouillon gras de poulet ou de veau et quand il bout bien, jette dedans les dix tortelli et retire-les tout de suite, car ils sont cuits. Mets-les dans des plats et mets par-dessus du même bouillon avec de bonnes épices et donne à manger. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ce n'est pas grave, vous trouverez la référence sur notre site. Je sais que c'est un peu tard pour le festin du Réveillon 2022, mais comme ces chroniques peuvent être podcastées, vous pourrez réécouter celles-ci à la fin de l'année 2023.